Ok, c'est pas une grosse division par contre Non. là. Ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va parler d'NC Doubleday avec notre ami Fouché du site internet labetsnfl.com. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, d'abord, je voudrais féliciter RDS de mettre de la NCA en français à partir de ce soir. Donc, bravo, bravo, bravo, bravo. Écoute, c'est sûr qu'on ne se contente pas d'histoire. Ils font ça parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de sport. Ça lui prend du sport à quelque part. Sauf que j'aimerais ça que RDS diffuse des matchs d'NCAA. Pas juste en tant que COVID, mais en temps normal, là. C'est quelque part, c'est de même que tu crées de l'intérêt, là. Pas, Oui, hein? ils l'ont déjà fait, mais écoute, ils diffusaient, je me souviens Ouais. que là, quelques années, ils l'avaient fait, mais ils diffusaient des matchs, c'était en différé, c'était même pas, Non. tu sais, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, mais ils n'ont rien fait tellement pour en créer non plus à ce moment-là, là. Mais effectivement, c'est une belle initiative qui débute ça. J'imagine que c'est le match de Miami qu'ils vont Ouais, ils diffuser vont ce présenter soir, c'est ça? Miami North Carolina State avec Didier Ormejus à la description et Danny Deriveau à l'analyse. Donc, écoute, c'est un début, hein. J'espère qu'on va diffuser d'autres matchs à partir de. Je sais qu'il y a un autre match la semaine prochaine, ça devrait être Cincinnati contre East Carolina. Ah, ça va être bon, oui. Dossier à suivre, effectivement. Bon, on va parler de NCAA, on va parler une grosse fin de semaine avec l'entrée en scène du Pac-12, qui est la dernière division du Power 5, qui commençait pas. Là, ils vont jouer. Ça commence demain, par le Pac-12. Il y a deux gros matchs en fin de semaine, donc Clemson, Notre-Dame et Florida contre Georgia. Oui, effectivement, c'est effectivement là, les deux très, très gros matchs de la fin de semaine. Clemson qui va être privé encore une fois là, contre Notre-Dame qui va être privé encore une fois là, du quart arrière Trevor Lawrence. Donc, ils vont devoir jouer avec leur deuxième quart arrière, mais qui était excellent la semaine Ouais, passée. effectivement. On Freshman a parlé de ça, s'appellera. mais là, il Oui. affrontera pas notre Boston College. Là. Ils vont Non. affronter. C'est un gros Oui. test pour la carrière de première année. Ah oui. Mais on s'entend, écoute, c'est un bon carrière. On parle d'un gars, 5 étoiles. oui, 5 étoiles, 6 pieds 4, 250 livres, un bras exceptionnel, un prospect 5 étoiles comme Trevor Lawrence. Donc, c'est probablement l'avenir là de Clemson au poste de quart à partir de l'année prochaine. Ouais. Il a été vraiment très bon. C'est vrai que c'est contre une meilleure défense. Notre-Dame, là, on parle de une des deux ou trois meilleures défenses de la NCAA. Alors, ça va être un bon test pour lui. Ça va peut-être un peu équilibrer le match, même s'il est bon, c'est quand même pas à ce stade-ci, Trevor Lawrence. Non. Alors, ça va équilibrer un peu ce match-là. Notre-Dame, c'est une des rares équipes qui a peut-être une chance là, raisonnable là, de battre. Clemson a une meilleure équipe, là, mais Notre-Dame, le problème, c'est qu'ils ont une bonne défense, mais c'est que l'offensive marque pas beaucoup de points. Non. Ian Book s'est pas développé comme prévu. Ce qui arrive, remarque, à pas mal tous les corps de Notre-Dame. Je pense que c'est peut-être un problème plus de coaching là-bas. Là. Ils ont des bons corps arrière, mais ils développent jamais comme ils voudraient. Et puis donc, c'est ça. C'est peut-être plus un. Je ne sais pas si l'attaque va marquer suffisamment de points. La défense pourrait les garder dans le match. Ça va être intéressant. C'est peut-être une première de deux affrontements au sein de ces deux équipes-là, là, parce que Ben, t'as c'est. l'Alabama également qui est dans le décor aussi, là. Tu parles pour le championnat national, là? Non, je parlais pour le titre de la conférence. Oui, parce que c'est vrai, Notre-Dame a changé de division cette année. Oui, exactement. Donc, c'est un petit peu, ça pourrait peut-être être le premier de deux affrontements. Tes équipes, je suis en train de vérifier s'ils peuvent s'affronter en série. Là, on a dans le ACC, c'est ça. Donc, normalement, il devrait y avoir une finale du ACC. Puis, c'est clairement, dans le ACC, t'as Clemson, t'as Notre-Dame, et puis t'as Miami. Mais Miami est pas du même calibre. Donc, en tout cas, on verra. Je pense que Notre-Dame est meilleur que Miami, là. Donc, ça serait pas surprenant, peut-être, de voir un deuxième affrontement. L'entraîneur, je pense que c'est de Clemson, cette semaine, faisait référence justement là, au fait qu'il pourrait, ces deux équipes-là pourraient peut-être se revoir plus tard dans la saison, là. Donc, mais ça va être un très bon match. L'autre que tu parlais, C'est à effectivement. 15h30, l'autre. Ouais, Georgia contre Florida. Donc, écoute, ça, c'est deux poids lourds. Hein? Ouais. Ça pourrait. L'équipe qui va gagner ce match-là pourrait effectivement se retrouver en finale du ACC, puis ensuite Parce qu'ils peut-être sont se dans la même retrouver. division, je pense, du SEC, hein? Oui, donc ils sont pas, eux sont dans la, sont pas dans la division d'Alabama, donc c'est un Ouais. peu ça là qui est qui pourrait faire en sorte. Et écoute, ici, ces deux équipes extrêmement puissantes, et ça, ils sont dans la même, eux ils sont dans la même division du SEC, et c'est la division Est, et dans la division Ouest, t'as Alabama puis Texas A&M. Donc, c'est là que. Mais Alabama, je pense qu'eux autres, ça va être une. Ils vont marcher jusqu'à la finale. Ah oh, ouais, Walk in the Park, ils sont trop forts. Mais Georgia et Florida, c'est intéressant. Tu as aussi, du côté de Georgia, on s'entend que c'est le point faible est probablement encore en attaque. C'est probablement le corps arrière, Stetson Bennett, qui est un petit peu leur point faible. L'attaque par la passe en général, c'est moyen, mais à part ça, c'est une super bonne équipe. Florida ont Kyle Trask comme carrière qui pourrait se glisser dans les conversations peut-être de fin de première ronde. C'est un bon corps arrière. Donc, pour le niveau collégial, en tout cas, c'est un excellent corps arrière. On verra si ça va être un bon prospect pour la NFL, mais je pense que oui. Et puis, ils ont aussi, là, écoute, c'est rare qu'un ailier rapproché reçoive des votes pour le trophée Heisman. Hey, Je me monsieur, oui, suis. c'est vrai, hein? Genre, j'ai jamais vu ça. Mais eux autres, ils en ont un qui pourrait, parce que ils ont le meilleur, ailier rapproché que peut-être que j'ai vu là, au niveau, en tout cas, de ses qualités athlétiques comme receveur de passe, en tout cas, là, qui est Kyle Pitts. Donc, Kyle Pitts, là, c'est un joueur fantastique. Et ceux qui vont regarder le match, c'est le numéro 84. Pour les Gators, donc 6 pieds 6, 245 livres, il court comme un wide receiver. C'est une version un peu améliorée d'Evan Engram au même âge. Ah, c'est ça, c'était ma comparaison. Je faisais ma question. À qui est comparé? Evan Engram. Mais OK. moi, je pense qu'il, écoute, honnêtement, je pense qu'il est encore meilleur que Engram l'était. C'est vraiment un joueur dominant. Je pense que du côté de Floride, je pense que tu aimerais à un moment donné que ton livre de jeu, ça soit uniquement de lancer le ballon à ce gars-là ou à peu près. Alors, il est vraiment fort. Donc, c'est pas le seul bon joueur. Par contre, de Floride, ils ont plusieurs très, très bons joueurs en attaque. Mais Floride, c'est que la défensive joue pas au niveau de son talent présentement. Ils ont énormément de talent en défense, mais leur défensive a été moyenne, mais si tout se place d'ici la fin de l'année, dormez pas sur Florida, même Alabama va devoir se méfier de cette équipe-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ce serait plus intéressant si Florida gagnait ce match-là, mais Georgia est une bonne équipe aussi, là. Donc, on va suivre ça. Ce soir, il y a un bon match également, 21h45, Boise State contre BYU. Je parlais en dehors des ondes à Tony Guzzo. Il dit, je vais regarder Zach Jackson. On dit que c'est un choix premier round, effectivement. Donc, le Oui. match qui ne sera pas présenté à la télévision canadienne en passant, c'est, on va, mais c'est un bon match. Écoute, c'est drôle parce que Zach Wilson, on en avait parlé ici, puis la fin de semaine où on en a parlé, l'analyste qui est au match de BYU, qui est Andre Ware, l'ancien gagnant du trophée Heisman, là, qui a joué carrière dans la NFL Et dans la Ligue pour. canadienne, en passant, j'aime ça le dire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben oui, t'as raison. Je ne me Champion rappelais de la pas, mais. Colombie-Britannique. Il a pas fait C'est. long feu, d'ailleurs. Ça me fait toujours rire, ceux-là qui regardent la Ligue canadienne de haut. Underway a joué dans la Ligue canadienne, puis ça n'a pas été un grand succès. Ils peuvent Non, continuer. effectivement, parce que effectivement, t'as raison. Mais écoute, lui a dit ce soir-là il a montré son classement, puis son deuxième quart arrière était Zach Wilson, ce qui m'a jeté en bas de ma chaise, là. Il y avait Trevor Lawrence, Zach Wilson, et puis lui, il y avait Justin Fields, je pense, au trois ou quatrième rang. Je suis pas d'accord avec son classement en passant. Là, moi, j'ai Fields devant Wilson, mais parce que je croyais pas à ce stade-ci que Wilson serait dans des top 5. Je suis vraiment surpris, mais son nom commence à circuler. Il l'avait devant Trey Lance, il l'avait devant Justin Fields. J'étais très surpris, mais moi, je ne le classerais pas deuxième, mais au troisième rang, par exemple, avec ce que je vois cette année, je pense que moi, personnellement, il va être mon troisième. Il est vraiment bon. Ceux qui l'ont jamais vu jouer, là, c'est vraiment tout un corps arrière. Il y a un bras puissant, une belle motion de passe. Il est surtout très précis. Il lit super bien les défensives. C'est pas Justin Fields ou Trevor Lawrence, mais il est vraiment très, très bon. Et BYU a quand même, dans l'histoire, Ben a quand oui. même eu de bons carrières. Steve Walsh, Oui, Steve c'est vrai. Young, Ty Oui. Detmer. Ty Detmer qui avait Oui. fait un long feu, mais je te parle de Oui. Walsh et Detmer, ça n'a pas été des grands succès ça a pas été des succès dans dans la NFL. Par contre, dans l'NCAA, c'est quand même très bon, hein? Oui, absolument. Puis, oui, tout à fait. C'est une bonne université. BYU, d'ailleurs, ils ont un bon classement présentement. Alors, je pense qu'ils sont dans le top 10, là, parce qu'ils n'ont pas encore perdu. Donc, un match intéressant. Puis, écoute, Boise State, c'est plus ce que c'était, Danny, mais l'histoire de Boise State, l'historique de Boise State. Sur le terrain brut. Puis, écoute, ils en ont-tu gagné des gros matchs? Rappelle-toi de l'époque où c'est quand Doug Peterson était, pas Doug Peterson, mais Chris Peterson était là-bas, là, celui qui est allé à Washington Ouais. après, puis il battait des. Écoute, les grosses universités refusaient de les affronter parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient perdre contre Boise State. Il y avait de la difficulté à trouver des adversaires à l'extérieur de leur conférence. Et eux essayaient de jouer contre Florida, contre Georgia, même contre. Puis il n'y a pas une université qui voulait les affronter parce que c'était trop dangereux. Et puis finalement, Georgia avait accepté de le faire, puis ils avaient quand même battu, faut le faire, là. Tu sais, c'est un petit programme universitaire qui faisait trembler. C'est plus cette équipe-là, mais mon Dieu, qui ont été bons à une certaine époque. Moi, j'aime toujours ça, voir jouer Boise Mais State, Boise State parce que ça est rappelle quand des même souvenirs. classé dans le top 25 actuellement. C'est quand même Ah possible. oui. Ouais, tu sais, c'est Nous, quand ah même pas oui. cadré dans le top. Puis tu sais, t'es dans le MAC. À quelque part, c'est dans le MAC eux autres, je pense. C'est Non, c'est le Mountain West. Mountain West, ok. Mountain Oui. West, je pensais que c'était le MAC, mais c'est le Mountain Oui. West, donc c'est quand même pas fort là, quand tu regardes ça, le Mountain West, là. Mais Ah quand non, même, ils non, non. réussissent à se classer quand même dans le top 25. C'est quand même fort intéressant. Oui, c'est une bonne équipe. Je vois qu'ils sont 2-0. Donc, c'est quand même pas une mauvaise équipe. Mais là, contre BYU, la commande va être. Va être élevé. Je pense que BYU a une meilleure équipe qu'eux cette année. Ils sont bons. Ils sont quand même assez forts, BYU. C'est surtout qu'ils ont une attaque là, avec Zach Wilson qui est assez exceptionnel. Zach Wilson, en passant, Danny, il lui reste une année d'éligibilité. Hein? Alors, on prend tout pour acquis qu'il s'en va dans la NFL. Il va probablement le faire s'il reçoit parce que la façon que ça fonctionne pour les prospects, pour les gens qui nous écoutent, là. C'est qu'ils peuvent, à la fin de l'année, demander un grade ou un classement. Il y a un service qui fait ça. Et selon la cote qu'ils reçoivent, ils peuvent décider de rester une année de plus quand il leur reste des années d'éligibilité ou de s'en aller à la NFL. Est-ce que c'est un guess? Est-ce que c'est un guess de rester senior? Moi, je pense que à quelque part, tu sais, il serait quoi? Il serait le quatrième corps peut-être repêché. Tandis que Ah oui. dans l'autre année, j'en vois pas ben ben. Donc lui, Exact. ce serait peut-être bon choix parce que c'est peut-être un bon Oui. choix d'attendre en 2022. Là. Parce que Il des corps pourrait arrière. décider. Tu Ah sais, oui. en 2022, je suis en train de regarder, en même temps que je te parle, là, je suis sur un site que j'aime bien suivre, les mock drafts. Et le premier cas qu'on voit repêcher, ben, tu vois, t'as Sam Howell de North Carolina Oui. qu'on considère comme au premier choix. Et deuxième, c'est Spencer Rattler d'Oklahoma. Mais tu Oui. sais, il semble avoir moins de. Il semble avoir moins de bons carrières que cette année. Ah, c'est clair que ça se compare pas Non. par rapport à. Donc, oui, il pourrait. Ça pourrait être un gars. Si, par exemple, il reçoit un grade de fin de première ou deuxième ronde, ou tu sais, ce qui pourrait être le cas, là, mettons, il pourrait dire bon, ben écoute, moi, je reste une année de plus, puis je vais guesser parce que la différence de salaire. Pour les 5 premières années, mettons, si tu repêches en deuxième ronde versus un top 10, la différence est tellement grande que ça vaudrait la peine d'investir puis de se dire peut-être que j'ai une chance, t'sais, de monter beaucoup plus haut. Donc oui, ça pourrait être une décision et c'est comme ça que les décisions se prennent, puis des fois, on est surpris parce qu'on pense que le joueur va faire le saut, mais lui, il reçoit sa cote, puis il voit que c'est pas si haut que ça. Justement pour des raisons comme tu viens de dire, parce que peut-être que cette année-là, il y a plus de bons joueurs, puis là, il se dit, ben, je vais attendre une année de plus, puis je vais aller, surtout comme pour un corps arrière, parce que les risques de blessures sont quand même moins élevés que si il y a une autre position. Il y en a des blessures, là. Mais on s'entend que si, moi, je pense que si tu es porteur de ballon, tu es peut-être mieux de pas prendre trop de chance puis d'y aller tout de suite, mais parce que les risques que tu te blesses durant ta dernière saison sont plus élevés, mettons, que si tu es corps arrière, tu sais. Alors, ils peuvent attendre, ça serait pas impossible, mais moi, j'ai l'impression que Wilson va aller à la NFL, celui. Alors, ben, en fait, peut-être pas, parce que c'est vrai que j'ai lu cette semaine que Trey Lance, lui, ça m'a surpris, lui s'est déjà déclaré pour la NFL. OK, lui qui Alors, joue de North Dakota. On entend moins parler parce qu'il joue ouais. pour North Dakota, la même division que Carson Wentz. Donc, Ouais. c'est pour ça. Donc, ça reste toujours un guess dans ce cas-là. Hey, en terminant, Ouais. je veux te parler de Travis Etienne, okay, le Oui. porteur de ballon de Clemson. Oui. Il est en train de battre tous les records du SEC. Je Oui. regarde là, justement le même repêchage avec le même site ici là. On dit qu'il serait repêché, ça vaut ce que ça vaut, mais fin de première ronde. C'est là qu'on voit que les porteurs de ballon ont baissé la cote, hein. Oui, ah oui, non, Parce que clairement. normalement, écoute, c'est encore 5 pieds 10, 218 livres. Ça, Oui. dans les années 90, il s'aurait été un gars des top 10 facile, mais même top 5. Hein. Ah oui, puis écoute, c'est l'accélération d'Étienne, sa vision du jeu, il est vraiment très fort. La seule affaire, par contre, que moi j'ai un petit bémol sur lui, c'est il y a une tendance à échapper le ballon. Ça peut être dangereux. Ça peut le faire baisser un peu, mais pas suffisamment dans ce cas-là pour. Écoute, tu penses à ça, Danny, Sonny Michel, ça a été un choix de fin de première ronde. Ouais, T'sais? ouais. Puis j'ai rien contre Sonny Michel, là, mais entre toi puis moi, si j'avais à choisir entre les deux, mon choix serait, ça serait pas très long. Oui, ça a vraiment cette position-là, tellement ça, la position de porteur de ballon, puis je te dirais celle de secondeur intérieur pour les mêmes raisons, a pas mal perdu aussi. Il y a quand même encore des secondeurs intérieurs qui sont repêchés rapidement, mais en général, il y a moins de secondeurs sur le terrain, plus de demi-défensifs. Alors, les gars partent plus tard un peu en général, là, tout comme les porteurs de ballon. Effectivement. Donc, on s'en reparle lundi matin pour le podcast sur le retour de la fin de semaine dans la NCAA et dans la NFL. Oui. Notre ami Fouché du site internet, lebetsnfl.com.